Je m'appelle Antoine Duval. Je suis un Français moyen. J'ai 40 ans. Je mesure 1m70. Je pèse 80 kilos. Je suis fonctionnaire. Je suis marié. J'ai 2 enfants. J'habite un appartement de 3 pièces que j'ai obtenu grâce au crédit foncier. J'ai souscrit une police d'assurance vie. Je possède la télévision équipée 2e chaîne. J'ai un compteur bleu. Et tous mes meubles portent l'estampille NF. Je n'aime que la cuisine au beurre. Je mange du pain d'épices. Quand je fais cuire des nouilles à la semoule de blé dur, je les goûte. Je les goûte souvent. Je bois de la chicorée. Je fais régulièrement la cure orange. Je bois du jus de raisin. Je bois du jus de pomme. Je fais la pause café. Je mange du fromage en portions. Enfin, je fais tout ce que la télévision me conseille de faire. Et je m'emmerde. Jean-Yann, La confession d'un homme, 1964. Micro ouvert. Et on, voilà, on est à Tubize. Oui. Et je suis en face d'une dame et d'un monsieur. J'explique toujours comme ça, tout le monde comprend et on se comprend aussi en même temps. J'étais sur le réseau, je vois un poste énorme, genre, je ne sais pas si j'ai bien retenu, 15 ruches. Oui, plus ou moins une quinzaine de ruches dont on a trouvé toutes les abeilles mortes autour. Voilà, j'ai vu ça, je me suis dit, mais enfin, j'ai lu l'article et voilà, on s'est contacté et voilà, je suis là avec vous. Explication, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Parlons-en. Eh bien, effectivement, on est sur 3 hectares ici sur notre exploitation, plus ou moins. Et tout autour de nous, eh bien, il y a des terres agricoles et c'est l'agriculture conventionnelle, c'est-à-dire avec tous les pesticides. Et dernièrement, eh bien, ils ont pulvérisé leurs champs. Et le résultat est que la plupart des abeilles ne reviennent même pas jusqu'à la ruche. Elles meurent sur le trajet. Et donc, elles ne peuvent plus nourrir leurs petits. Et donc, tout meurt. Il n'y a pas de miel. Notre apiculteur est obligé de donner du sucre pour nourrir les bébés. Et c'est vraiment une catastrophe, quoi. Il est là tous les jours, jusqu'à des fois 23 heures. Il est vraiment désemparé de voir qu'en essayant de faire son maximum et en donnant le meilleur de nous, eh bien, on n'arrive vraiment pas à... On est toujours bloqué avec tous ces parasites autour de nous. Voilà. C'est hallucinant parce que j'ai envie de poser la question. Mais quoi, c'est la première fois qu'il y a des ruches? Non, ça fait 3 ans qu'il est là. L'année passée, à la même période, il a eu le même problème. C'est-à-dire qu'il s'est retrouvé avec 0 miel. Il a dû rajouter 2 tonnes de sucre pour la survie de ses abeilles. Et donc, c'est juste pas possible. C'est juste ridicule, quoi. Donc, c'est un non-sens. Je pense que c'est aussi important de dire qu'on pourrait partager tout cet espace en harmonie, dans le sens où il aurait suffi qu'on soit mis au courant quelques jours avant la pulvérisation de ces produits. On aurait pu confiner les abeilles, c'est-à-dire un petit peu les enfumer pour les calmer, les confiner 2-3 jours, histoire que quand elles aillent butiner, elles tombent. Utiliser un autre mot que confiner, hein, les gars. Tout à fait, désolé. Non, mais moi, j'hallucine, je ne comprends pas. Donc, c'est déjà l'année dernière que ça se met en place. Et vous, comment... Pourquoi vous n'allez pas rencontrer les gens? Pourquoi vous n'allez pas partir un peu en guerre, là? Attendez, on ne vous entend pas, là. Ils sont là-bas, loin, sur leur tracteur. On les voit, mais on les entend à peine et on voit ce qu'ils font. Mais réellement, on ne peut pas courir sur leur propriété pour aller leur dire « Eh, il ne faut pas faire ça ». Et quand bien même, qui sommes-nous pour dire « Eh, il ne faut pas faire ça ». Il faut qu'on respecte aussi ce qu'ils font. Mais le problème, c'est que ça doit être dans les 2 sens. Alors là, les gars, je ne vous suis pas du tout, hein, vraiment. Si, c'est pas dans les 2 sens, puisque là, les abeilles sont mortes. Voilà, nous ne respectent pas. Absolument. C'est ça le problème, Absolument. Nous, on est conscients du fait que, quelque part, on est de nouveaux arrivants comparés à eux. Vous êtes là depuis combien de temps ? 15 ans. Depuis 15 ans. Ici, dans ce lieu ? Oui, dans ce lieu. Par contre, ces gens-là sont là depuis des générations, et ils nous voient un petit peu arriver comme, j'ai envie de dire, entre guillemets, des petits bobos urbains qui viennent faire planter leurs carottes bio et mettre 3 ruches d'abeilles parce qu'ils ont vu sur les réseaux sociaux qu'il n'y avait plus assez d'abeilles dans le monde. Oh mon Dieu, scandale. C'est pas ça du tout. On essaye de faire quelque chose de bien. On respecte leur travail parce qu'effectivement, ils étaient là avant nous. Et voilà, ils ont été quelque part forcés à travailler comme ça, parce que les règles actuelles sont juste infernales pour ces gens-là aussi. Ils doivent faire du travail vraiment de masse pour avoir des revenus en fin de compte misérables. D'ailleurs, il y a pas mal de suicides dans le milieu de l'agriculture, c'est bien connu, c'est pas pour rien. Et voilà, mais nous, ce qu'on veut, c'est pas les blâmer, c'est pas comme ça qu'on pense avancer ensemble vers un positif. Pourquoi vous par contre, eux ne nous respectent pas. Et là, c'est là que maintenant, ça commence à fâcher, d'où mes postes, d'où l'officialisation, on va dire, plus. Donc maintenant, on a vraiment officialisé ici, on vient de fonder une ASBL, on va faire enregistrer nos ruches, de sorte que s'il y a un empoisonnement dans le futur, nous sommes enregistrés et nous sommes... dans notre bon droit, si on se retourne contre tous les agriculteurs qui sont dans les alentours, et si on peut prouver que, voilà monsieur, nous avons trouvé tel produit dans nos ruches, vos produits sont arrivés jusque chez nous, et nous avons trouvé les mêmes produits dans vos terres, nous sommes enregistrés, vous étiez tenus de nous prévenir. En attendant, nos abeilles ne sont pas enregistrées, mais sachons bien qu'il n'y a pas que des abeilles qui vivent ici, il y a nos enfants, il y a nous, il y a des oiseaux, il y a des animaux, il serait grand temps qu'on apprenne à vivre tous ensemble. Et en harmonie. Voilà. Et en harmonie, parce que donc, réellement, c'est ça qui n'est pas juste. C'est que, je pense, dû au fait qu'on n'est pas encore reconnu ni connu ici, ils se permettent de faire tout sans poser de questions. Mais moi, je vais un petit peu plus loin. Même si nous n'étions pas là, tous les gens qui bordent les prairies sur tout le territoire, il faut dire que ils pensent qu'ils sont à la campagne quelque part, mais ils sont à la campagne polluée. Réellement, si nos abeilles meurent, nous mourrons aussi. Mmh. Et voilà, c'est ça qui est vraiment lamentable. Et donc vous, on peut vous appeler par votre prénom ou préférez pas? Vous vous appelez comment? Franck. Franck. Et Audrey. Et Audrey. Et donc vous êtes les seigneurs de ce lieu. Le seigneur, c'est un bien grand mot. On est rigolé. Hein. On peut dire ça comme ça. Des petites personnes qui essayent. Laisse-toi faire, ça fait du bien de temps en temps. D'accord. Et ben voilà, moi je vous suis alors jusqu'aux ruches ou quoi? Ok. Ouais, on va faire un tour complet de la propriété. Vous allez voir qu'on a aussi des animaux qui sont, qui sont là. On a dans la nature. On a des brebis qui viennent de mettre bas. On a trois petits agneaux magnifiques. Ils ont un hectare pour eux se promener. Et brouter l'herbe, c'est notre tondeuse naturelle. Mais quoi, si vous êtes là depuis 15 ans, je ne comprends pas pourquoi ça fait seulement maintenant que vous mettez ça en place alors, c'est ça? Non, c'est-à-dire qu'on a d'abord appris le métier de l'agriculture, puisque ce n'est pas quelque chose de facile. On ne fait pas que du miel, on fait bien sûr de la culture traditionnelle japonaise, et ça depuis 15 ans. On a même fait, sachez-le, on est les seuls en Belgique à avoir fait pousser du riz ici, en Belgique. Ah ouais. On a fait une rizière avec... Ici alors, sur votre terre? Sur votre terre, ici. Et ça roule? On l'a fait une fois, parce que c'était le challenge martial japonais... donc c'était un challenge vraiment, mais réellement, on l'a fait qu'une fois. Et ça a poussé, on a eu, je pense, 4-5 kilos de riz qui est parti au Japon en offrande. C'est vrai? Oui. Pourquoi le Japon? Parce que c'est un centre japonais. C'est un centre japonais où je travaille les arts martiaux, les pratiques, l'agriculture naturelle japonaise. Enfin, on essaie de cultiver. À la base, ici, c'est un centre... d'arts martiaux. Oui, voilà, je suis professeur d'arts martiaux traditionnels japonais. Ok, parce que pour un peu comprendre, parce que sinon on ne comprend rien. Alors et donc... ici, vous avez la prairie qui va jusqu'à l'église là-bas, donc il y a plus ou moins un hectare, et ça c'est pour les animaux. Voilà. Et donc on voit deux, deux biquettes. Il y a les brebis, là, la biquette, et puis il y a les canards, il y a des oies. Ouais, mais... il y a des coqs, des gentiment, hein. C'est pas, je veux dire, c'est pas du tout de l'intensif, c'est pas pour manger, c'est vraiment, en fait, l'idée ici, c'est de vraiment faire une ferme pédagogique et de partager avec les gens qui ont envie justement d'apporter leurs connaissances, que nous on apporte nos connaissances. Donc c'est vrai que de nos jours on sait plus trop, une poule, ok, on a une poule, on a des œufs, mais comment ça marche, s'en occuper. Les moutons, pareil, faire ça avec ses enfants, c'est juste magnifique. Et offrir la possibilité aux gens de venir chercher des légumes, voir, tiens, un mouton, ça mange ceci, un bébé mouton, c'est comme cela. Tout ça. D'être en lien avec la nature, en gros. Avec la nature, c'est ça, tout simplement. Et réapprendre surtout à apprivoiser la terre. Et C'est la grosse tendance, ça, hein, quand tu disais les bobos, oui, c'est ça, vrai. Hein, c'est la, la... Et tant mieux, bah, je suis bien contente que ça soit tendance, parce qu'au moins, voilà, on surfe sur la vague et ça va peut-être aider le monde à avancer, à changer, puisqu'apparemment la mode a tellement d'influence, et différentes modes, hein, je veux dire pas seulement la mode vestimentaire, mais il y a des modes alimentaires, des modes... Ben, voilà, allons-y, tout le monde trouve ça génial de penser à la terre et de revenir à des valeurs plus essentielles. Allons-y tous ensemble, les gars, c'est la mode. Mais ce qui est dans la mode, c'est justement, des fois c'est superficiel, tu vois, ça va pas assez en profondeur, parce que notre... Tu comprends la différence entre la mode et par exemple être vraiment plus politisé, plus comprendre ce qui se passe au niveau du monde et simplement superficiellement, oh ben oui, comme c'est la mode, bon, on va faire pareil, mais il n'y a pas de profondeur, quoi. Là, c'était plutôt ça. Ça monte parce que on arrive, je pense, de plus en plus à un point de rupture et les gens s'en rendent bien compte. Et c'est en ce sens-là que j'espère que ce n'est pas justement un effet de mode. Voilà. Quand on parle de mode, ce n'est pas un effet de mode. Pour l'instant, je pense que les gens commencent à comprendre que ce n'est plus possible de continuer comme ça. Et beaucoup de gens qui ont des enfants, qui ont envie d'un futur, d'un avenir pour eux, pour les animaux qui occupent la planète, pour nous, pour voilà. Mais je pense que ça leur tient de plus en plus à cœur et j'ai l'impression justement qu'on s'inscrit plus dans quelque chose qui va durer que dans un effet de mode. Et ça, c'est... En tout cas, toi, excuse-moi, j'ai vraiment un souci. Hein. Et Franck. Audrey et Franck. Audrey et Franck, vous êtes plus dans quelque chose de profond, quoi. Oui, c'est ça. C'est notre façon de penser, c'est notre façon de vivre et c'est comme ça. Et on veut le diffuser, apprendre aux gens, éduquer les gens à voir la vie différemment, en mieux. En mieux. Vous ne croyez pas que les gens s'éduquent tout seuls ? Je pense que maintenant les gens ont un petit peu, avec cette vie hyperactive, ils oublient un petit peu l'essence fondamentale de pourquoi ils sont là et ce qu'ils doivent faire et le développement humain, spirituel. Je pense que tout ça se perd un petit peu. Et on retrouve ces valeurs quand on met ses mains dans la terre, je pense. On retrouve l'origine, le besoin humain. En tout cas, vous avez envie d'offrir ça, quoi. Oui, je l'entends plutôt comme ça, plutôt que de dire « éduquer les gens ». Parce que ça fait un petit peu alors, voyez, un petit peu, secte. Non, c'est pas l'idée du tout. Il faut faire gaffe comment on parle aussi. Mais moi, je parle le partage de. Tu débarques ici, tu m'apprends quelque chose. En étant venu ici, tu repars en ayant appris quelque chose. Et c'est génial. En fait, c'est pas qu'on éduque les gens, c'est que on essaye de leur apporter ce qu'on sait et on les laisse volontiers nous éduquer aussi. Nous apprendre les choses. Voilà, il y a des gens. Vous allez voir dans la serre là-bas, il y a un Écossais. Il ne parle pas français et il est spécialisé dans la culture du piment. Et donc, il vient nous donner un coup de main. À côté de lui, il y a un Haïtien. Et cette personne-là est spécialisée dans l'infrastructure pour construire l'irrigation et toutes ces choses-là pour faire quelque chose de durable. On va toujours essayer... Durable. De durable, oui, ouais. C'est ce que je dis. On va toujours essayer d'imaginer de faire les choses sainement, c'est-à-dire pas polluer, pas... On va essayer de, par exemple, si on doit faire des éoliennes, on va les créer avec des matériaux qu'on va nous-mêmes rechercher, des matériaux recyclés, comme des tambours de machines à laver, par exemple, et essayer de penser quelque chose avec moins avec beaucoup d'ingénierie, mais moins de moyens, voyez. Et quoi, vous avez une éolienne ici? C'est le projet. Okay. On va faire bientôt aussi, dans le fond là-bas, après les vignes, vous avez un espace qui est plus ou moins de 5000 m2 et les gens pourront venir dormir. On leur fera un super truc avec barbecue et des espèces de roulottes. Et donc, pour des stages, éventuellement, ils pourront rester là et se ressourcer, cultiver, apprendre à cultiver. Voilà, on a beaucoup de projets. D'ailleurs, là, sur place, avec son matériel industriel d'arrosage, c'est-à-dire deux arrosoirs remplis d'eau, sur un hectare, c'est quand même assez... C'est vrai. On peut dire que c'est du fait main. C'est vrai. Les mauvaises herbes ici, ils les enlèvent à la fourchette. Bon, vous voyez, il y en a encore quelques-unes, parce que les fourchettes, c'est pas l'industriel. Hein. On laisse la camomille, les coquelicots, différents légumes qui se répandent. On peut trouver une carotte là d'un coup au milieu du jardin ou un plant de tomate. Notre ami, le chef de projet, c'est monsieur Wakasugi Koji, qui est là-bas, occupé à arroser justement. Et japonais aussi ? Il est japonais, bien sûr. Et bien, tout le monde est bénévole aussi, hein, bien entendu. Il faut bien savoir que l'idée n'est pas de faire des sous, mais de développer quelque chose d'intéressant, quelque chose de durable pour tout le monde. Bien, bien, bien. Et la serre, là, elle fait combien de mètres de long ? Parce qu'elle est balèze, hein. C'est de la radio, on ne voit pas, alors c'est bien d'un peu décrire. Elle fait 50 mètres de long sur 8 mètres de large, plus ou moins 400 mètres carrés. Et qu'est-ce que vous allez cultiver dedans ? Et pourquoi aussi grande ? Bah parce que je suis mégalo, peut-être. J'ai trouvé cette serre... Mais quoi, vous allez vendre ? Vous allez... Le projet, c'est de vendre les produits pour pouvoir faire des fonds et nous aider à avoir... à installer cette ferme qui est en projet, vous voyez ? Ce projet pédagogique, donc il va falloir investir beaucoup, il va falloir construire une maison à la réception là-bas pour pouvoir recevoir les gens, leur donner les conseils, faire une salle de classe, vous voyez, tout ce genre de choses qu'il faut faire pour apprendre aux gens. On aimerait bien inviter par exemple les écoles pour venir voir une journée comment on fait, comment on se rapproche de la terre. Vous voyez, là, ce sont les vignes 100% naturelles. 100% naturelles avec tout autour les pesticides, alors. Ah ben oui, on a une grande chance. On est au-dessus de toutes les terres cultivées. Tu finis ? Je disais, effectivement, on est entouré de champs, malheureusement, avec une culture traditionnelle, donc avec pesticides. Dieu merci, quand ils pulvérisent, et ça coûte tellement cher, tout leur saloperie, qu'ils pulvérisent vraiment proche des pieds des plantes, et du coup, ça va directement dans la terre. Et ces terres-là sont en aval de nos terres. Donc, on est vraiment sur une petite colline ici, ce qui nous permet de ne pas avoir cette capillarité. Vous voyez ? Ça ne monte pas chez nous, mais plutôt, c'est ce que nous faisons qui descend. Ah ouais. Et les abeilles, alors, pourquoi elles meurent ? Ah, parce qu'elles font... Elles vont se balader, elles. Elles font plus de 10 km par jour. Hein. Ici, principalement, c'est du miel d'acacia qu'on fait parce que les ruches sont au-dessus. Tu voulais dire quelque chose, toi ? Alors, je voulais dire la même chose et aussi rajouter que, bah, justement, c'est ce qui aurait permis de sauver les abeilles. C'est qu'effectivement, elles sont allées chercher ça probablement assez loin, entre guillemets, chez nous, peut-être à 5 km, à 3 km, jusqu'à 7 à 10 km. Et si elles avaient été mises à l'abri dans leur ruche, ben, 2 jours après, 3 jours après, un passage de pluie, le vent, etc., on les aurait laissées sortir, elles se porteraient toutes bien, et voilà, le poison ne les aurait pas tuées. Et bien que, il faut encore, maintenant, on a gardé du miel qu'on va faire analyser, pour savoir si... Quand ça y est, vous l'avez fait alors ? C'est en route. Donc, il faut savoir que quand elles survivent, on voudrait encore vérifier quand même, puisque effectivement, si nos terres ne sont pas polluées, nos abeilles, elles, vont butiner sur les terres des empoisonneurs. D'accord, donc, fatalement, problème. Parce qu'en fait, ce qui serait bien, puisque c'est la deuxième fois que ça vous arrive, puisque c'est la deuxième année, si j'ai bien compris, moi déjà, la première année, j'aurais été discuter avec les gens pour qu'ils sachent que vous existez, qu'il y a des ruches, que peut-être comment on est là, hein. Les gens, oui, mais les ruches initialement, même ben, les ruches, non, ils le savent pas, ça c'est vrai, mais ils savent qu'on est là parce que ça fait des années avant que j'investisse dans un tracteur. Eh bien, c'était le fermier du coin qui venait retourner la terre en fin de saison, voyez, pour la travailler, oui, mais et donc ils savent qu'on est là. Oui, ils savent sûrement qu'il y a des gens qui sont là, mais le fait d'aller sur place, de dire bonjour, je m'appelle un truc muche. Je m'appelle Audrey et Franck. Et à partir de maintenant, on a des abeilles. Donc, il va falloir faire gaffe, mais gentiment, comme salut. Vous voyez, on sympathise, quoi. Il y a peut-être aussi... Vous voyez ce que je veux dire ? Non, mais ce qu'il y a aussi, c'est que l'année passée, c'était nouveau. Donc, ce monsieur s'est lui-même fait houspiller, on va dire, de la ville, parce qu'il faisait du miel. Il est allé un jour en donner gentiment à ses voisins. Ce monsieur, l'apiculteur ? L'apiculteur, oui. On l'appelle comment, lui ? Johan. Johan. Donc, monsieur Johan, l'apiculteur, est arrivé ici un petit peu désespéré, parce qu'il faisait du miel précédemment dans un milieu plutôt urbain. Ça lui a pris un jour gentiment d'aller en offrir à ses voisins qui se sont rendus immédiatement à la police avec les pots de miel. Mais enfin, en ville, ça ? Oui, tout à fait. Et où en ville ? Mais il va vous le dire tout de suite, je ne veux pas dire de bêtises, ouais, okay. Mais en ville. Et la police est gentiment venue toquer chez lui et dire « Monsieur, vous faites du miel à moins de X mètres des habitations, c'est interdit, donc au revoir, dans X jours ça doit être parti. » Donc ce monsieur est arrivé ici, à la hâte, et nous ça nous intéressait, et c'est vrai qu'on n'avait aucune connaissance de tout ça, et surtout on était en train de mettre tout le côté ferme et agriculture en place, et du coup c'est vrai qu'au début on ne communiquait pas trop ensemble comme on a mis en place maintenant, on fait des réunions de travail, on regarde, on fait des plans de culture, qu'est-ce qu'on va mettre où, parce que l'année passée on a mis le maïs ici, donc cette année on va le mettre là-bas, etc. Et on communique tous aussi avec l'apiculteur, ce qui fait qu'il y a une cohésion qui s'est mise en place, et effectivement, moi cette année je me suis dit, maintenant non, ce ne sera pas comme l'année passée. L'année passée, il nous a dit comme ça, vite fait, oh, ça va pas trop bien mes abeilles, j'ai dû leur donner du sucre. Et puis, le temps qu'on se renseigne, etc., venir réclamer 2 mois après, c'était un petit peu... Donc voilà, cette année, on est au taquet. Il faut que ça bouge et que ça bouge bien et que tout le monde y trouve son bonheur et le droit de respecter la vie, simplement. Oui, mais moi, j'entends bien, mais j'imagine que ces gens, de toute façon, qui utilisent des produits, on parle des gens là, hein, de vos voisins, c'est juste comme ça, pour éclairer un peu, c'est que ça tombe, ils utilisent des produits, ok, ils sont cons, mais c'est peut-être chouette de garder quand même le... Oui, tout à fait, un bon contact. Un bon contact, et de dire, voilà, à la base, ils n'étaient peut-être pas au courant, oui. Tu vois. Et puis, qui sait, les choses changent. Voilà, ces gens peuvent revenir aussi à des méthodes plus anciennes, et parce que maintenant, apparemment... J'espère, en tout cas c'est ce que le gouvernement nous fait de temps en temps entendre entre les lignes, qu'ils aimeraient qu'il y ait plus de bio, qu'ils vont permettre des facilités pour les gens qui s'y mettent, des aides, etc. Donc effectivement, ce serait très dommage d'entrer en conflit direct avec ces gens. Mais par contre, on voudrait qu'ils nous entendent, tout comme nous, on les entend. Oui, en tout cas, à partir de l'idée de dire bonjour, salut. Oui, voilà, tout à fait. Ah. Salut, voilà, on a des abeilles, blablabla. On a des abeilles, des enfants, ouais. Et on respecte tout à fait votre travail. Mais s'il vous plaît, si on pouvait mettre en place quelque chose pour que vous nous préveniez simplement, même un SMS, un petit mot dans la boîte. Ou un petit calendrier, on pourrait se mettre d'accord sur un calendrier annuel, disons que le deuxième samedi de mai, je vais pulvériser, le troisième, je vais faire ceci, et que nous, on puisse prendre nos dispositions, et comme ça, mieux vivre ensemble. Mais vous n'avez toujours pas fait ça, le premier pas d'aller dire bonjour, blablabla. Non, c'est en fait, je suis pour l'instant en train de recenser tous les fermiers du coin, pour aller justement, d'abord, dans un premier temps, je voudrais leur envoyer un courrier pour savoir qui est intéressé, pour avoir une discussion peut-être commune. Et sa voix. Et une discussion sur quoi ? De présentation ? Vers de l'amitié ? Je voudrais me présenter à eux et leur dire que clairement, mon but, ce n'est pas de les emmerder, mais que je suis déjà en premier une maman, une citoyenne de la Terre, et que je trouverais ça sympa qu'on essaye de mettre quelque chose ensemble. Et tous ensemble, au plus nombreux on est autour de la table, au plus ce sera efficace. Parce que si j'ai 3 agriculteurs du coin qui me disent « Oh, ben ça va, t'es sympa, t'es venu sonner chez moi, je vais plus mettre de pesticides quand tes abeilles sont dehors », ça n'ira pas très loin. Mais, non, là, j'ai pas compris ce que tu veux dire. J'ai dit que s'ils sont que 3 à le faire, si on est plus d'acteurs autour de la table et qu'on est tous d'accord, là, ça va devenir efficace. Oui, mais 3, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Mais quand tu vois tout ce qu'il y a autour, 15, ce serait... Topissime. Oui, mais là, tu vises. Moi, je crois que 3, c'est déjà pas mal, d'établir du contact, du lien. C'est ça. Commencer par quelque part. Voilà. Déjà discuter, et puis peut-être 0 aussi, hein, mais en discuter, montrer qu'on est là, pas pour les emmerder, pas pour justement faire les bobos chiants qui débarquent dans la campagne, qui veulent plus de coques, pas de culture comme ceci, pas de. Plus de coques pour les gens qui ne savent pas, c'est qu'il y a eu des plaintes, hein, il y a eu des plaintes de gens qui quittaient la ville pour aller à la campagne et qui se plaignaient du coq qui chante le matin très tôt. C'est ça, hein, c'est ça que tu veux dire. C'est ça. C'est comme un gars de la campagne qui, à l'inverse, irait vivre en ville et puis sortirait avec une pancarte pour militer contre les embouteillages. On aurait envie de lui dire qu'il était censé un peu être au courant avant d'arriver. Ouais. C'est le même principe. Mais là, on n'est pas là-dedans. Nous, on arrive des générations après eux, ok. Mais je pense qu'on est de toute façon de plus en plus nombreux sur la Terre. Il faut essayer d'avancer ensemble, positif. Mais oui. Mais donc, ça fait 15 ans que vous êtes ici et ça fait 3 ans que vous lancez tout ça. Et sur ces 3 années, excuse-moi, je répète, hein, mais comme ça, tout le monde comprend. Sur ces 3 années, Ça fait 2 ans qu'il y a des abeilles. L'année dernière, vous n'avez rien dit, malgré qu'elles sont mortes pour les mêmes raisons qu'aujourd'hui, par les pesticides. Et cette année, vous voulez pas laisser faire, quoi. Tout à fait. Il faut qu'on en parle, il faut que les choses changent. Oui. Donc voilà, je pense qu'on est pas mal aussi à planter des fleurs pour nos amis les abeilles, etc. Et bah, c'est dommage que d'un autre côté... Je peux marcher comme ça, entre comme ça. Oui, tu peux marcher, entre, pas de problème. C'est dommage donc d'un autre côté, je disais, d'assister à ce genre de scène. C'est juste pas possible. Et effectivement, quand j'ai mis ce post, je m'attendais pas à tant de réactions. Tu as eu beaucoup de réactions ? Oui, j'ai eu beaucoup de réactions et beaucoup de mains tendues. Vraiment, ça m'a vraiment réchauffé le cœur parce que j'étais un peu révoltée et triste. Et j'ai reçu des contacts de journalistes de la RTBF, etc., à qui d'ailleurs j'ai envoyé des mails. Bon, pour l'instant, ils ont certainement tant de sujets à couvrir, mais j'espère bien qu'ils reviendront vers moi, comme tu l'as superbement fait à un moment ou à un autre. Mais voilà, donc cette année, oui, on s'est dit, non, il faut que ça bouge, pas par la guerre, mais il faut qu'on en parle et que ça bouge. Voilà, et là, on est dans la serre, hein, oui. Avec plein de petits plants. Bah oui, vous démarrez, hein, vraiment, on voit que ça démarre, la serre est toute neuve. Non, la serre est déjà là depuis 2 ans également, mais par contre, on a changé d'équipe. Donc il faut savoir qu'avant, c'était des Japonais qui venaient directement du Japon pour nous apprendre des choses ici. Et comme ce sont des gens extrêmement respectueux des règles en général, eh bien, ça coûtait énormément d'argent parce qu'ils avaient un visa pour 3 mois et donc ils changeaient d'équipe à chaque fois. Donc l'équipe qui travaillait ici, 2-3 personnes, s'en retournaient au Japon et ils renvoyaient une autre équipe de 2-3 personnes qui revenaient travailler ici. Donc effectivement, le travail de la terre a été un petit peu ralenti. Et nous travaillons maintenant avec M. Wakasugi depuis... Mais quand tu dis travailler, c'est bénévole. Oui, tout à fait. Mais donc ces gens venaient... Nous travaillons la terre. Oui, ils venaient bénévolement. Et avec la vente des légumes, ça permettait justement de payer ses billets d'avion, les frais de logement, etc. Mm-hmm. Puisque nous avons logé même des gens ici pour qu'ils viennent nous aider à travailler. Sauf que notre famille s'est agrandie il y a 2 ans et du coup, l'espace est devenu plus restreint pour héberger des gens. Et donc, tout ça a fait que la manœuvre est devenue plus compliquée pour les allers-retours. Et donc, maintenant, on travaille toujours avec des gens qui ont les mêmes connaissances, mais qui sont ici sur place. Et on a mis une équipe en place ici qui peut du coup être présente tous les jours selon leur disponibilité, parce que tout le monde a son activité à côté. On ne fait pas ça pour l'argent, on fait ça vraiment pour apprendre les uns des autres. Et comment il s'appelle le monsieur qui arrose, qu'on ne voit pas ? Monsieur Wakasugi. Bonjour, monsieur. Il parle anglais. Il parle pas français ? Un petit peu. Ah, dommage. Il apprend. Ah, voilà. Et donc, on voit monsieur Kawasaki ? Wakasugi. Kawasaki. Wakasugi. Wakasugi. Et c'est tombé, je crois. Donc, il arrose plein de petits plants, quoi. Des tomates. Ça, je reconnais des tomates. Ça, c'est quoi, là, tu sais ? Ça, ce sont des petites vignes, des petits plants de vignes qui ont poussé, qui vont aller dehors après, des tomates, des... Vous voulez dire un mot ? Un mot dans le micro ? Bonjour. Vous arrosez, alors ? Vous arrosez ? Oui. Oui, tous les jours avec la... Anglais, OK. Anglais, il est plus... Water is a problem. It's too dry. And no water. Yeah. So they're making an irrigation system. On est en train de fabriquer un système d'irrigation parce que, en plus de la terre qui est de plus en plus malmenée, vous avez sûrement remarqué que chaque été est de plus en plus chaud. Et donc, effectivement, pour les cultures, c'est surtout quand on essaye de cultiver sans utiliser plein d'énergie de toutes les sortes et de l'eau courante qui serait bonne à boire pour arroser des terres. Donc, on cherche absolument à trouver des solutions pour ça aussi. Mais comment ça se fait que la... Tu peux peut-être traduire en anglais. Hein. Comment ça se fait que la terre est si sèche comme ça à l'intérieur, puisque... Oui, je sais, mais vous ne paillez pas, vous ne mettez pas de... On a l'impression que la terre est toute sèche, quoi. Et vous voyez, il y a la méthode, il y a plusieurs méthodes, hein, de... Oui, tout à fait. Donc dehors, par exemple, là, on met des films plastiques. À un endroit, on va faire le système avec le paillage, justement, et on va tester différentes techniques. Mais ici, dans la serre, n'y a pas la nécessité de pailler, parce que quoi qu'il en soit, il fait très sec, donc il faut tout le temps arroser. Donc maintenant, on est en train de faire un système d'irrigation avec l'eau de pluie et par gravitation, comme vous pouvez voir là-bas. Ouais. Donc on va faire un système qui va être beaucoup moins, beaucoup plus économe en eau. Donc ça va, on va juste arroser les pieds des plants. Et en quelques mots, hein, c'est quoi la méthode japonaise? Parce que c'est ce que vous disiez, on cultive à la méthode japonaise. Alors pensez bien, moi ça m'intéresse. Eh bien oui, ben, c'est ça. C'est quoi la méthode japonaise? Ben, la méthode japonaise, c'est celle qui m'ont appris il y a 10 ans de ça, quand j'étais au Japon et je les ai rencontrés. Et ils sont venus pendant de longues années ici, nous donner cours et nous montrer comment on travaille avec l'amour, la conscience, l'amour de la terre. Donc il y a 4 éléments seulement dans le... Ça s'appelle en japonais, ça s'appelle Shizen Saibai. Ça veut dire ? Ça veut dire l'agriculture naturelle, tout simplement. Donc c'est 100% naturel, pas d'engrais bio, rien du tout. Le soleil, l'eau, la terre et l'amour. Pas d'engrais bio. Ah ouais, parce que ça existe, ça, des engrais bio ? Je savais pas. Absolument, des engrais organiques, absolument, ça existe. Et on n'utilise rien, par exemple comme du purin de cheval et ce genre de choses-là. Vous n'utilisez pas ça non plus? Rien du tout. La terre, l'amour, le soleil et l'eau. Ok. Ça, c'est la méthode japonaise. Voilà. C'est vite résumé, n'est-ce pas? Mais quoi, elle porte un nom, cette méthode? On peut aller la chercher sur Internet ou quoi? Il y a plein de Japonais fameux qui ont développé des méthodes, certains avec l'empaillement. Et donc il y a beaucoup de gens qui travaillent avec la conscience comme ça, donc oui, vous allez sur internet trouver beaucoup d'articles concernant. Comment il s'appelle encore ce japonais qui a déjà de l'âge maintenant, hein? Je crois qu'il avait... Comment tu dis maintenant. Do you remember the guy, the Japanese guy who was famous in agriculture? Comment s'appelait son nom? What's his name? Used to use it with weed, I remember. Mr. Fukuoka. Fukuoka. Fukuoka, non, ça ne me dit rien. Il est très old person. Did he collapse? Did he pass away? You don't know. I don't know. You don't know. Maybe, I think so. Un autre nom de ce monsieur. Is there another guy who knows? Si tu veux, il cultivait, il avait une méthode toute naturelle aussi de cultiver. Et il recevait des gens chez lui, plein de jeunes qui venaient se former. Et il a aussi écrit un livre avec paille dedans. Oui. Tu vois? The one which was using weed. I think it's Fukuoka, Mr. Fukuoka. He make rice and then before he do harvest, he spread the seed of the wheat and then cut. Yes. Traduction? Oui, donc en fin de compte, c'est cette personne-là qui a développé cette espèce de culture sans retourner la terre, without digging the soil, hein. Just like this. Il mettait les graines et il les parsemait comme ça sur la terre. Et puis, c'était la méthode, on va dire, il avait dit, la méthode fainéante, et puis il recouvrait de paille, et donc il y avait tout ce petit écosystème qui fonctionnait, qui se mettait en place, et il a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès. Je vais essayer de vous retrouver le nom. Oui, ce serait chouette, ça. Parce que du coup, moi j'ai lu un peu sur l'histoire de ce monsieur, qui était pour finir devenu très solitaire dans son trip, et plein de gens venaient le voir, quoi. Ils venaient travailler comme ils avaient envie, là. Masanobu Fukuoka? I think so. Kono hito desu ka? Masanobu Fukuoka. Yeah, I think he collapsed. Huh? Comment? Voilà, c'est ça. C'est lui. Fukuoka. C'est ça, c'est ce qu'il a dit. Ah bah tu vois, quand il le dit et quand je le vois, c'est monsieur Fukuoka. Ouais, qui a écrit Un brin de paille, je crois d'ailleurs, son livre. Il faudrait vérifier si c'est lui. Il y a beaucoup d'agriculteurs au Japon. D'agriculteurs suivent sa technique. Yes. Oui, yes. Ouais, bah c'est un peu les... C'est pas de la permaculture. Hein. C'est une forme de permaculture. C'est une forme pas retourner la terre, ça c'est un principe permaculturien, je dirais. Oui, mais c'est une forme de permaculture. Avec, il disait, c'est tellement simple de cultiver dès lors qu'on, qu'on est en phase avec les éléments, ben, il arrive à développer cette culture. Et il en a fait beaucoup d'adeptes au Japon, beaucoup d'agriculteurs suivent sa méthode. Mm-hmm. Ah bon, c'est pas sorti, on ne peut, si, peut si, pas si, sortir, par là. Merci. Hein. Bien dans la serre. Ouais, c'est bon, moi j'aime bien. Ça c'est Alan, notre cultivateur, et c'est le spécialisé. Il est spécialisé dans l'irrigation des terres. Il a travaillé en Palestine et tout ça. Ah, il a, ouais. Et c'est là qu'il a réussi à faire du désert une oasis. Et donc, il vient nous donner sa science. Voilà. Bonjour. Bonjour, bonjour. Vous allez bien alors? Oh, I'm sorry, my English is very poor. Do you speak English? Ah non. Sorry, get Eric. Eric's good at talking. See, I'm Scottish. Monsieur, il parle pas bien français. L'important ici, on a la chance de parler plusieurs langues et donc on peut communiquer ensemble. Et maintenant, je vais vous présenter Eric, son collègue spécialisé, lui, dans l'infrastructure, la construction. Come on, Eric, come on. Il parle pas français non plus? Si, si. Ah ben voilà. Bonjour Eric. Bonjour Eric. Bonjour. On ne voit pas, hein, c'est déjà plus libre qu'avec les images et tout, oui, donc tu peux te sentir à l'aise. Oui. Voilà. Donc qu'est-ce que tu fais ici Eric? Je fais un peu de travail. C'est génial d'être dehors avec la nature, de faire pousser des choses qui est bien saines. C'est bon pour le corps en fait. Donc, mais quoi, toi tu fais un peu le design alors ici? Non, juste je fais un peu de, pas de jardinage, mais je plante des choses, coup de main, c'est ça. Sa connaissance dans la construction, parce qu'il est balèze, c'est son taf, c'est son core business, et donc il nous donne un coup de main avec Alan. Par exemple ici, ils sont en train de mettre en place le système d'irrigation naturelle. C'est bien ça, et donc comment ça s'appelle ça encore? Pour que les gens captent, donc c'est récupération d'eau de pluie, mais dans des gros, comment on appelle ça? Cubes, un mètre cube d'eau en fin de compte, et on en met ici trois. On va en mettre trois et on va les mettre en hauteur pour qu'il y ait une espèce de gravitation, si vous voyez, et que l'eau va... Parce que le terrain est déjà en pente. Et l'eau va descendre par pression, et comme ça on va mettre des petits tubes qui vont irriguer chaque pied de plant, et on va plus consommer de l'eau comme des fous. Voilà. Vous voyez? Oui, je vois. Je vois. On va voir les abeilles. Allons voir les abeilles. Allez, go. Merci. Oula, il y en a un paquet hein, d'abeilles. Elles vont pas nous attaquer. Non. T'es sûr? Allons-y en paix. Elle va venir, non? En général, on s'approche doucement. C'est plus quand il y a beaucoup, beaucoup de soleil. Alors elles sont un peu excitées parce qu'elles sont toutes affairées. Elles ont plein de travail. Les fleurs sont grandes ouvertes, ça butine. Et là, on s'approche du butin, ça butine. Tu t'y connais un peu, du coup, maintenant? Maintenant, oui, je commence. Et puis ça m'intéresse, donc j'ai lu pas mal de choses là-dessus. Et puis j'aime bien venir ici, même avec mes enfants, leur montrer tout ça. Surtout pendant cette période délicate, il n'y a pas eu école, mais on a fait une autre forme d'école, celle de la vie. Ils ont vu naître des agneaux, ils ont vu naître des poussins, éclore des œufs. Voir les abeilles. L'autre jour, ils ont assisté, le monsieur leur a sorti une plaque de la ruche, donc ils ont vu toute la cire, le nectar, tout. Il est là. Ah ouais, moi je me... Venez. Bonjour. Ça va? Bonjour, je vous présente Johan, c'est notre apiculteur, aussi tout à fait bénévole et qui fait ça avec tellement d'amour. Lui, il ne travaille pas la terre, il travaille, il fait du miel, quoi. Il fait du miel et il est désemparé de voir que, effectivement, avec tout son travail, et je vous dis, hein, il n'hésite pas sur le travail, le pauvre. Il est là des fois jusqu'à 23 heures pour prendre soin de ses abeilles. Et c'est dramatique quand on voit qu'il y a comme ça des ruches qui sont complètement éteintes, fermées, et voilà. Sans compter, je dis bien, son investissement personnel, tout son argent y passe. Tout son argent y passe pour la... Ouais. Venez par ici, à moins d'abeilles. Moi, je... tout son argent passe pour acheter par exemple des rennes. Vous savez qu'une renne ça coûte jusqu'à 1500 euros la renne. Ah. Ben, saviez-vous? Non, pas du tout. Eh ben, une renne coûte jusqu'à 1500 euros. Ah bon? Tout à fait. Et donc, voilà, c'est beaucoup d'argent, beaucoup d'investissement et pas beaucoup de retour. Et donc, c'est ça qui est désolant. Qu'est-ce que alors, expliquez-nous. Johan, explique un peu. Il y a quelque chose qui s'est passé de bizarre cette année et l'année passée. Le même temps, la même période, la même date. Ah oui, vraiment? Oui, oui, oui. Parce que début mai, les ruches s'étaient débordées des abeilles, débordées l'année passée et cette année aussi. Et le 15, environ 12 mai, il n'y a pas d'abeilles dans les ruches. Ils sont tous morts devant les ruches et dépeuplés. Et puis j'ai vu sur les champs qu'il y a des traces de tracteurs. Et j'ai directement pensé que c'est à cause des... Je ne sais pas. Déjà l'année passée, n'est-ce pas? L'année passée et cette année-ci. L'année passée, je n'ai pas deviné pourquoi. Tu n'as pas compris? Non, je n'ai pas compris. Mais cette année-ci, j'ai bien compris que c'est à cause de l'agriculture ici à côté des ruches. Alors, et tout il ça. Faut savoir que, bon, nous, on a cet accord entre nous, il vient, il cultive, enfin, il fait son miel. Malheureusement. C'est les abeilles qui font le miel, hein, c'est lui, pas il fait beaucoup, vous savez, il travaille énormément. Et eh bien, il est pour en train, les abeilles? Il est en train, absolument. Il aime les abeilles, hein. Oui, mais à la base, il n'y a rien à faire avec les abeilles, non? Ah non? Dites-nous. Il y en a beaucoup de travail. Il y en a ah bon? De travail, oui. Constant. Comment? Quoi, par exemple? D'abord, il faut commencer avec fabrication des ruches, des cadres, des cirgots frais, mettre des fils, coller les cirgots frais. Après, bon, il faut soigner, il faut vraiment avoir des ruches sains et en bonne santé. Et puis, on voit les résultats quand on... Chez moi, en bas de chez moi, il y a aussi plein de ruches. Et moi, je vois les propriétaires. D'abord, ils sont pas du tout sympas. Et puis, je les vois chaque fois comme des voleurs de miel, tu vois, même si c'est les propriétaires. Pendant que les abeilles sont là à vivre leur vie, quand même, on prend le miel des abeilles, quoi. On doit toujours prendre, parce que si on laisse dans les ruches, à un certain moment, elles voient qu'il y a trop de miel, alors elles pensent de partir, de s'aimer. Alors, il faut avoir un équilibre oui, entre les populations, la nourriture et tout ça. Mais bon, c'est des abeilles. Il travaille dans ses ruches sans protection. Hein. Ses abeilles le connaissent, elles ne l'attaquent pas. Il travaille en relation avec elles, ouais. En harmonie. Vraiment, parce que nous, on ne s'approche pas. Hein. Nous, on regarde loin, on vient admirer, on observe nous, on le spectacle. Pas tellement toléré mais ici, pas trop c'est près. Seulement lui. C'est leur maître, si on peut dire comme ça. Vraiment, voilà. Elles sont fidèles à lui, elles sentent qu'il les respecte, il vient les entretenir, exactement. Il vient il les nettoyer. Dit, il m'avait dit il y a quelque temps que l'abeille, si toi tu n'es pas bien, si tu es énervé ou tu n'es pas dans une bonne... L'abeille va venir t'attaquer. Alors, pas penser d'approcher. Voilà. Par contre, quand tu es serein, eh bien, elle le ressent. Quoi, toi, tu t'es jamais fait, tu te fais pas attaquer par tes abeilles? Si, pas tout le temps, mais bon, quand je mets... des pêches ou quand je suis stressé, il y a une piqûre, deux, trois, même 10 des fois. Mais bon, je ne suis pas allergique, ça va, c'est acceptable, c'est bon pour la santé. Et donc, reprenons, toutes tes abeilles sont mortes, mais pourquoi j'en vois encore voler alors? Ils sont faibles, les abeilles ouvrières ils sont mortes parce qu'ils sont allés chercher de la nourriture. Mais du moment qu'ils ont trouvé je ne sais pas quoi, c'est des poisons, je ne sais pas quoi. Ils sont en partie morts sur les champs, en partie sont morts devant les ruches. Alors, il y en a qui sont vivants. Oui, parce que les couvains qui étaient bébés, maintenant il y a la période qu'ils sortent. Okay. Et elles commencent à demander à manger, elles consomment tout ce qui est dedans, mais il y a des autres qui ne rapportent pas et à la fin je suis obligé de les nourrir. Au biberon? Non. Il y a des, comment dire, des nourritures spéciales. On met des sirops dedans, et vient, il prend, et les dépose dans les cellules, et comme ça, commence le cycle. Et du coup, alors, cette année, vous avez changé votre fusil d'épaule, comme on dit. Vous allez faire des analyses. pour voir la suite un peu de tout ça, parce que c'est... On aimerait bien rencontrer, enfin, on ne sait même pas trop comment s'y prendre réellement, mais on aimerait bien rencontrer des personnes avec le même état d'esprit que nous, d'ailleurs peut-être pour nous aider. Tu lances un appel là ? Je lance un appel au secours. Non, mais des gens qui sont par exemple motivés par cette nature qu'il faut lui foutre la paix, hein, et du coup... qui serait motivé à venir. Effectivement, de rencontrer quelqu'un qui pourrait déjà analyser un échantillon du miel pour savoir si effectivement il est, entre guillemets, pollué ou pas. Hein, c'est important de le savoir, parce que nous, on va le consommer, ce miel, et si maintenant on consomme un miel qui est impropre, alors qu'on fait tout pour que ce soit propre, ben voilà, on sait qu'est-ce qu'on doit faire, alors... Vous n'avez pas encore trouvé quelqu'un ? Non, voilà, on appelle. Ok, ben je mettrai ça dans l'article, un appel à... Au secours. Un appel à venir voir ce qui se passe pour les abeilles, quoi. Comment protéger la vie, parce que je pense que réellement, il faut que la grande population prenne conscience que... Il y a des choses qui sont justes et des choses qui ne sont pas justes. Que ce soit pour le métier d'apiculteur ou pour l'agriculteur, il faut travailler avec une certaine conscience. C'est important. Nous, on veut justement développer ici un centre pédagogique d'enseignement. On ne peut pas avoir ces valeurs et avoir du miel pollué. Je veux dire, c'est un non-sens. Alors qu'on fait tout pour que ce soit naturel. Il y a 44 minutes. D'accord ? On a déjà enregistré 44 minutes. Et ça va rester comme tel. Hein. Tout ce qui s'est dit, je ne vais pas prendre un petit bout. On est vraiment comme si on faisait du direct, vous voyez ? Okay. Donc, je vous le sais. Comme ça, il y a 44 minutes. Allez, il reste 10 minutes, quoi. Voilà. Pour dire vraiment quelque chose d'essentiel que vous n'avez pas dit. Eh bien, je ne pas réellement... Parce que moi, pour reprendre la conversation là que tu disais juste avant... Oui, on lance une idée, après tu dis que tu n'as pas envie de polluer avec du miel, mais est-ce qu'on est vraiment responsable tout seul de tout ce qui se joue au niveau... Regardez, même ici, vous avez un espace où vous avez envie de faire quelque chose de propre, on va dire, mais à côté, ils continuent à utiliser des produits dégueulasses. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu un combat un peu à mener, ou sinon c'est toujours les mêmes qui... Ben les abeilles, là, elles sont mortes, quoi, ou c'est toujours les mêmes... Mais nous, on meurt un peu. En voyant les abeilles qui meurent, ben, clairement, si on regarde le problème dans le fond du problème, on se nourrit mal, on donne aux gens des choses... Si les abeilles meurent, alors qu'elles vont butiner sur le blé, mais comment est-ce possible que nous, on va manger ce pain et qu'on va pas clairement un peu mourir ? Oui, on est déjà un peu mort. Hein. Vous voyez, et c'est ça, appel au secours. C'est ça mon appel au secours, c'est que essayons tous de prendre conscience qu'il faut faire quelque chose pour que ça change. Oui, mais quoi exactement ? Essayons aussi tous. Déjà, parlons-en. Mais je pense que, enfin, moi, j'ai envie juste de dire ça, c'est parce qu'en rencontrant plein de gens, je pense que... Enfin, on n'a pas tous la même conscience au même moment, vous voyez. Alors, c'est sûr que la mode, maintenant, on commence à... Mais, vous voyez, il y a aussi les qui se prennent pour Dieu, là. Vous voyez, ceux qui dirigent le monde, ça, ils n'ont pas du tout... Ce sont des plus grands combats à mener. Je pense que nous, le combat qu'on peut mener à notre échelle, c'est déjà de s'accrocher, de ne pas lâcher ce qu'on fait, parce que des fois, ça peut donner envie de dire, mais tu sais quoi ? Moi, je laisse tomber, c'est juste pas possible, on est seul. Déjà, voilà, déjà, pas se décourager, c'est une forme de combat. Se faire entendre, c'est une forme de combat où on commence un peu à prendre les armes. La parole, ça peut être une arme. Chercher à connaître, à comprendre, devenir quelqu'un d'éduqué, essayer de partager ça avec les autres. Quand je dis de quelqu'un d'éduqué, je parle de la nature, etc. Ça n'a rien de prétentieux ou de... C'est juste, je pense que tout ça, c'est déjà une forme de combat. Continuer, en parler, et merci d'ailleurs pour tes encouragements à moi, pour me dire, ben oui, moi je trouve que c'est intéressant que tu en parles, etc. Parce qu'effectivement, on se décourage, on n'en parle plus, ça nous arrive, et puis on se tait, et puis on est triste, nos légumes sont comme ceci, nos abeilles sont comme cela. Ben, je pense que ne pas lâcher, continuer à se faire entendre, c'est une forme de combat, et c'est ce qu'on peut faire nous à notre échelle. Parce qu'effectivement, je ne me vois pas aller au créneau contre Monsanto, contre Roundup et tous leurs copains. Je perdrais clairement. je perds déjà. Oui, c'est sûr, mais en même temps, moi, je ne parlais pas forcément... parce que ça, c'est loin de nous, et en même temps, c'est dans nos assiettes directement. Tu vois ce que je veux dire, c'est un côté bizarre. Donc déjà, en parler, interpeller nos gouvernants, les gouvernants de notre pays. Non, mais même ici, dans votre village, quoi. Je veux dire, il y a... mais mon mari a pris... contact par contre avec le bourgmestre de Tubize. Village, c'est pas un village. C'est une ville, Tubize, c'est une petite ville. Mais il a pris contact avec le bourgmestre qui trouve vraiment génial ce qu'on fait. Évidemment, tout ça s'est fait peu avant la période de confinement. Du coup, maintenant, c'est un petit peu en pause parce que ces gens ont bien d'autres choses à faire avec tout ce qui se passe. Mais effectivement, ils sont intéressés par ce qu'on fait. Ils sont à l'écoute. Ils sont prêts à dialoguer avec nous et donc on verra plus tard ce que ça donne, à quel point ils sont prêts à nous aider. Est-ce que justement, peut-être qu'eux peuvent aussi nous aider à rassembler des gens autour de la table pour parler. Donc voilà. Mais moi, ce que je voulais juste dire, c'est que c'est pas forcément une responsabilité individuelle, vous voyez. Ouh là. Moi je suis pas du tout à l'aise avec ça. Il y a l'apiculteur qui s'amène avec une palette et je suis... Oh non. Avec plein d'abeilles. Qu'est-ce qui se passe? J'ai peur. Non, j'ai peur, on ne sait jamais. Moi, je me méfie. Hein. Je me méfie parce qu'à la base, on n'est pas... L'être humain, il domine... Garde... Tu dis? Tu auras vu ton sujet de très très près. Oui, oui, oui. Tu pourras dire que tu sais mieux de quoi tu on parles. On ne sait jamais qu'ils ont envie... Tu vois, non, mais moi, je viens ici avec mes petits... Mes enfants, j'en ai un 2 ans, il vient ici... Ce sont les ouvrières, ce ne sont pas les guerrières. Elles apportent le nectar, elles s'occupent des... Des petits moutons. Non mais pour terminer, on pourrait terminer là-dessus. C'est une vraie question entre l'individu et le collectif. Vous voyez, comment est-ce qu'on fait pour... Parce qu'il y a dans toute cette mouvance comme ça pour changer le monde, c'est genre... Il ne suffit qu'à soi, ça, c'est français ça. On dit tout changement commence par soi. Déjà, oui, mais après, ce que je voulais juste dire, c'est que c'est aussi dans un contexte politique dans lequel on joue, vous voyez, c'est pas uniquement parce qu'on va dire, alors, bah, les bobos, c'est ceux qui ont l'argent, qui peuvent s'acheter des terrains et qui peuvent survivre et faire de l'alternative, et puis les pauvres, ils se trouvent en HLM dans les villes, quoi. Vous voyez, il y a un questionnement par rapport à ça, il faut aussi se battre pour changer le monde pour tout le monde, quoi, vous voyez. Non, moi je suis bien d'accord avec vous. Et l'idée de faire ce genre de projet, notre projet à nous, c'est d'accueillir tout le monde ici. Vraiment ? Absolument. Absolument. Absolument. Vraiment. Pour le moment, je vous dis, c'est à fond perdu. Donc les gens viennent ici, ils sont totalement bénévoles et ils donnent de leur... il y a du miel là. Comment ça s'appelle le... Le cadre. Le cadre, voilà. Et il y a plein d'alvéoles. Oui. Et ça, ce sont les abeilles qui l'ont fait ? Absolument. Ah, c'est incroyable, quand lui, même. Lui, fait juste le cadre. Et elles font les alvéoles. Oui. Mais c'est d'une régularité. Dans chaque alvéole vient une ouvrière. Tu peux goûter, hein ? Mets ton doigt. Goûte. Comment ? Mets ton doigt. Vas-y. Ouais, je mets mon doigt. Vas-y, pousse. Ouais, elle va m'attaquer, là. Non, elle va pas t'attaquer. Délicieux. Et en fait, c'est pour vous ça. Je mets les cadres en bois et les fils en fer. Comme ça, ils vont bâtir tout. Mais quoi, elles t'attaquent pas les abeilles parce que tu piques leur miel quand même. Tu piques leur miel. Je pique pas tous les miels, juste les réserves de trop. Les réserves de trop parce que on peut pas laisser parce que comme je vous avais dit. Les abeilles, des moments qu'ils sentent qu'il y a trop de nourriture dans la ruche, alors ils cherchent à s'aimer, c'est la nature, ils doivent partir pour je sais pas. Voilà, là. Par exemple, tu vois, si ce cadre est plein de miel, mais il y a tout est vide. Hein. Montre-en un autre qui est vide, comme ça tu vas voir la différence. Ah ben j'imagine bien, c'est du bois quoi, s'il n'y a pas d'alvéole, il n'y a que le bois. Ah si, il y aura l'alvéole. Ah oui, ok, elles font leur... Ils n'ont rien mis dedans, ils n'ont pas travaillé. Ok. Arrête de faire ça, tu l'énerves. Ah oui, mais tu l'énerves aussi, je me fais piquer. Fais rire, toi. Tu devrais déposer ça, pas garder ça en main. Doucement, enfin bon, on boucle. On boucle l'émission, merci à vous. Merci à toi de nous avoir écoutés, de nous avoir donné la parole et merci à tous ceux qui auront écouté ce qu'on a à dire. Franck, c'est Franck, hein. Oui, c'est ça. Il est occupé à exciter les abeilles, quoi. Il y en a une qui vient comme ça près de lui, il fait aller ses bras dans tous les sens, quoi. Bon, merci à vous deux, hein. Merci à toi.